J'étais petit, je voyais les choses en grand, je voulais monter d'un cran et par des grands, j'ai pris des grosses baffes, mais aujourd'hui je les rends, pas trop coup de poing, plutôt coup de crosse, tu veux t'essayer, plutôt coup de bloc, à 18 ans, mon manif, je me suis offert mon premier clos. Et je dis des vérités, tu peux le vérifier, ce que j'ai, je l'ai mérité, c'est pas un conte de fées, j'ai vu des choses que je peux pas t'expliquer, c'est compliqué, fais-nous pas le brigandé, tu vas te faire amputer, approche-toi pas, si t'es pas sûr de toi, si tu vas reculer, je suis dans le bâtiment, je vends ma taupe, t'as capté que je le baisse, maintenant qui c'est qui veut ma peau. Je suis dans le bloc, je suis Jimmy dans Top Boy. Quand ça lit, on se décolle. C'est la loi du plus fort, c'est la loi du plus dangereux. J'ai jamais perdu dans ce jeu, j'ai pas peur en FaceTime. Il me dit que ça galère dans ma cellule. La plupart du temps, c'est nul. Je suis rentré, tu m'as même pas vu. Entouré de braqueurs et voyous. J'ai appris, j'ai vu, j'ai vaincu. Sur la A4, j'bombarde. Mon bébé, j'suis rapport. Ce soir, on peut pas te voir. Mon agenda est plein. J'roule avec les plans phares. Fais tout à la main droite. Scotché sur la putain. Aujourd'hui rien à fêter, c'est le choix les kids nous c'est. Et jamais je vais me la péter. J'ai grandi dans la cité, je suis un mec glacis. T'es dans mon wood, t'es dans mon wood, j'ai vendu la drogue. J'ai craché des toiles dans mon wood, j'ai perdu des potes. Photos j'ai vu flou dans mon wood, j'ai fait ce qu'il est cop, fait ce qu'il est menottes. Dans mon wood, jamais lâché un persil il est des notes. Photos je suis high, j'ai mal au crâne. Je fais ma verre, qu'est-ce que c'est médicinal. T'es malade, je veux pas te raconter ma life. J'ai peut-être mis des corps à terre, mais jamais chercher la bagarre. Sors le matin, je rappelle voir. J'en connais des tas d'histoires. Redis-moi, qu'est-ce que tu vas faire. Si tu me cherches, je suis dans mon sport. Suspect que les respectables, que des bonhommes à ma table. Je te vois regarder ma veste, qui coûte plus cher que la poêle. Je rentre le temps, je suis foncedé. Dès le matin, je suis foncedé. J'ai pas pris la grosse tête. Je suis resté ce que j'étais. Bande d'enculés, je l'ai fait. J'ai fait max de love. J'ai vu des trucs de fou. Je veux même pas t'en parler. Reste là, on est armé. Et tout le monde est armé. Je crois que personne n'est parfait. Au fond de moi, je suis hargneux. On m'a trop écarté. Ou je me suis écarté. Peut-être bien que je suis plus fort qu'eux. Et je l'ai jamais montré. Je m'en rappelle comment c'était. Aujourd'hui, rien à fêter. J'ai le choix liquide ou c'est bête. Et jamais je vais me la péter. J'ai grandi dans la cité. Je suis un mec de la cité dans mon wood. Et dans mon wood, j'ai vendu la drogue. J'ai craché des doux.